Vouloir réduire les citoyens musulmans à leur seule religion, c'est leur nier ce qui fait que nos principes républicains sont si précieux. Le respect, avant toute chose, de chacun pour ce qu'il a d'humain, le respect de sa dignité et de sa vie. En République, c'est cela que nous partageons, au-delà de toutes nos convictions et croyances. Parce qu'en tuant des êtres humains, c'est à l'humanité tout entière que ces terroristes se sont attaqués. Parce qu'en s'attaquant à la liberté d'expression de Charlie Hebdo, ils se sont attaqués à la liberté de chacun d'entre nous. Parce qu'en s'attaquant à un magasin cachère, c'est l'universalité des droits humains qu'ils ont attaqué. Pour toutes ces raisons, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes des actes terroristes des mercredis 7, jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2015. Merci. Il serait difficile d'enchaîner sur la présentation de l'exposition qui nous rassemble ce soir si la thématique qu'elle déploie n'était précisément la vie au-delà de la peur, la vie au-delà de la violence, de la guerre et de la destruction. Les six artistes que Mishkat Kifa a réunis ont ceci de commun, qu'elles nous parlent de sociétés marquées par une violence mortifère et où pourtant la vie l'emporte, où continuer à vivre aussi normalement que possible est une forme de résistance à la barbarie. Venues de Téhéran, de Jérusalem, de Ramallah, du Caire, du Maghreb, ces œuvres nous parlent de résilience face à la violence, d'une indomptable capacité à vivre, à surmonter la tragédie. Elles nous parlent de désir, elles nous montrent le désir malgré le désastre, une capacité à la vie qui serait surhumaine si elle n'était tout simplement humaine. Je tiens ici à saluer la présence de plusieurs des artistes qui ont contribué à cette exposition et qui, par cette présence, nous signalent aussi leur soutien. Please go ahead. Gora Dashti, Shadi Gadirian, Zulika Bouabdella, Raida Saadeh, Antani Hajuka, please join us, please.